trauma qui est trop loin de la réalité. Resta sur Insta, foire un petit instant, personne sera quitté. Trop de choses qui font mal, faut pas verser de larmes quand t'es une célébrité. On voit que je me fais imiter par la majorité. C'est assez qu'ils m'en font sans arrêt, qu'ils n'ont rien dans leur petite life. Je vous laisse même quelques dizaines d'années, vous n'aurez jamais la même taille. J'aurais tant aimé leur faire la guerre à tes cons, mais je n'ai pas le taille. Je préfère les sceller et ne pas les vendre encore ma belle pour ma taille. Choses qui font mal, faut pas verser de larmes quand t'es une célébrité. On voit que je me fais imiter par la majorité. C'est assez qu'ils m'en font sans arrêt, qu'ils n'ont rien dans leur petite life. Je vous laisse même quelques dizaines d'années.